Section 17. Chapitre 17. Bess. Pendant 8 jours, il y eut tant de vertus dans la vieille maison qu'on aurait pu en céder à tout le voisinage. C'était réellement étonnant. Chacun semblait dans une sorte de disposition céleste et l'abnégation était à la mode. Mais, insensiblement, lorsque la première anxiété des petites filles fut passée, elles se relâchèrent dans leurs louables efforts et commencèrent à retomber dans leurs vieilles habitudes. Elles n'oublièrent pas leur devise « espérer et s'occuper », mais le dernier point semblait devenir plus difficile. Aussi, après de si beaux efforts, elles pensèrent que cet essai méritait des vacances, et elles s'en donnèrent de grandes. Jo, ayant négligé de couvrir suffisamment sa tête tondue, attrapa un gros rhume, et tante March, qui n'aimait pas à entendre lire des personnes enrhumées, lui ordonna de rester chez elle jusqu'à ce qu'elle fût guérie. Jo, à qui cet arrangement plaisait, commença par dire qu'elle allait s'arranger pour rester enrhumée toute sa vie, puis elle se mit à fourrager énergiquement du grenier à la cave, espérant y faire des découvertes. Quand elle était lasse, elle se couchait sur le sofa pour soigner son rhume à l'aide de lectures interminables. Amy, trouvant que les occupations du ménage et l'art ne s'accordaient guère, retourna à ses crayons et à sa terre glaise. Meg allait tous les jours chez les Kings et cousait, ou croyait qu'elle cousait, lorsqu'elle en revenait, mais elle passait beaucoup de temps à écrire à sa mère ou à relire les dépêches de Washington. Bess seule continua fidèlement à travailler. Tout au plus, aurait-on pu lui reprocher quelques rares petites négligences ou bien quelques accès de tristesse. Elle remplissait soigneusement tous ses petits devoirs et aussi beaucoup de ceux de ses sœurs, car celles-ci oubliaient facilement et la maison semblait parfois être une horloge dont les aiguilles sont allées se promener. Lorsque son cœur était trop plein du désir de revoir sa mère ou de crainte pour son père, elle allait dans le cabinet de toilette de Madame March, cachant sa figure dans les plis d'une certaine vieille robe et pleurait, et priait un peu, toute seule. Personne ne savait ce qui la remettait après un accès de mélancolie, mais chacun sentait combien elle était douce et utile, et tout le monde prit l'habitude d'aller vers elle pour chercher des consolations ou des avis. Aucune ne s'était assez dit que l'absence de leur mère devait être une épreuve décisive, qui aurait dû former définitivement leur caractère, et lorsque l'excitation du premier moment fut passée, elles se firent l'illusion que, s'étant bien conduite jusque-là, elles méritaient des louanges. Elles avaient raison pour le passé, mais leur erreur était de croire qu'elles pouvaient dès lors se relâcher et cesser de bien faire. Elles s'attirèrent par là une dure leçon. « Meg, je voudrais bien que vous puissiez aller voir les pauvres Hummels. Vous savez que maman nous a dit de n'oublier ni la mère ni les enfants, » dit Bess, 10 jours après le départ de Madame March. « Je suis vraiment trop fatiguée pour y aller cet après-midi, » répondit Meg, qui cousait en se balançant sur un fauteuil à bascule. « Voudriez-vous, Jo ?» demanda Bess. « Il fait bien froid pour moi, avec mon rhume. Je croyais que vous aimiez les belles gelées. Oui, pour sortir avec Laurie, mais pas autant pour aller chez les Hummels, » dit Jo, un peu honteuse de cet aveu. « Pourquoi n'allez-vous pas vous-même voir les Hummels ?» demanda Meg. « J'y suis allée tous les jours, mais le bébé est malade et je ne sais qu'y faire. Lottchen le garde pendant que sa mère va travailler, mais le mal m'a l'air de s'aggraver, et je pense que vous ou Anna devriez y aller. » Bess parlait avec animation, et Meg promit d'y aller le lendemain. « Pour aujourd'hui, demandez quelques provisions à Anna et portez-les, Bess. L'air vous fera du bien, » dit Jo, en ajoutant sous forme d'excuse, « J'irai bien, mais il faut que je finisse mon livre. »« J'ai mal à la tête et je suis fatiguée, » répondit doucement Bess. « Je pensais que l'une de vous voudrait bien y aller à ma place ce matin. »« Amy va revenir, elle ira volontiers, » suggéra Meg. « Eh bien, je vais me reposer en attendant, je ne suis pas très à mon aise. » Bess se coucha sur le sofa, les autres retournèrent à leur ouvrage, et les Hummels furent oubliés. Une heure se passa, Amy n'était pas revenue. Meg était allée dans sa chambre essayer une robe neuve, Jo était absorbée dans un livre, et Anna était profondément endormie devant le feu de la cuisine. Bess mit tranquillement son capuchon, remplit son panier de toutes sortes de choses pour les enfants et s'en alla à l'air frais avec la tête lourde et un regard de douleur dans ses yeux patients. Il était tard quand elle revint et personne ne la vit monter dans la chambre de sa mère. Joe y allant, trouva Bess assise dans un fauteuil avec un flacon de camphre dans sa main, paraissant très grave, ayant des yeux très rouges. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria Joe en voyant Bess étendre les mains comme si elle ne voulait pas que sa sœur approchât d'elle. « Vous avez eu la fièvre scarlatine, n'est-ce pas, Joe ?»« Il y a longtemps, en même temps que Meg. Pourquoi ?»« Alors, je vais vous dire. Oh, Joe, le bébé est mort. »« Quel bébé ?»« Celui de Madame Hummel. Il est mort sur mes genoux, avant que sa mère revienne !» s'écria Bess en sanglotant. « Ma pauvre chérie, que cela a dû être terrible pour vous ! Ah, j'aurais dû aller moi-même !» dit Joe, pleine de remords, en s'asseyant dans le grand fauteuil et prenant sa sœur sur ses genoux. « Ce n'était pas terrible, Joe, c'était seulement si triste. J'ai vu tout de suite qu'il était plus malade. Mais Lottchen a dit que sa mère était allée chercher le médecin, et j'ai pris le bébé afin de laisser reposer sa sœur. Il paraissait endormi, mais tout à coup il a poussé un petit cri. Tout son petit corps a tremblé, et puis il est resté immobile. J'ai alors essayé de lui réchauffer les pieds, et Lottie lui a donné du lait, mais il ne bougeait pas. J'ai enfin compris qu'il était mort. « Ne pleurez pas, chérie, qu'avez-vous fait ?»« Je me suis assise et je l'ai tenue sur mes genoux jusqu'à ce que Madame Hummel revînt avec un médecin. Le docteur dit que le bébé ne vivait plus. Il regarda Heinrich et Mina qui avaient mal à la gorge. « C'est la fièvre scarlatine, » dit-il d'un air mécontent. « Vous auriez dû m'appeler plus tôt. » Madame Hummel lui dit qu'elle était pauvre et qu'elle avait essayé de soigner elle-même le bébé. Mais que maintenant il était trop tard pour lui, et qu'elle pouvait seulement lui demander de soigner les deux autres, et d'en demander le paiement au bon Dieu. Il sourit alors et fut meilleur, mais c'était désolant, Joe, et je pleurais avec eux. Le docteur alors fixa ses yeux sur moi. Il m'examina et me dit de retourner vite chez nous et de prendre immédiatement de la belladone, sans quoi j'attraperais la fièvre scarlatine. « Non, vous ne l'aurez pas !» s'écria Joe, en la serrant dans ses bras d'un air effrayé. « Oh, ben, si vous l'aviez, je ne pourrais jamais me le pardonner. Qu'allons-nous faire ?»« N'ayez pas peur, je suis sûre que je ne l'aurai pas très forte. J'ai regardé dans le livre de mère, et j'ai vu que cela commençait par des maux de tête et de gorge, et des sentiments bizarres comme les miens. Ainsi, j'ai pris de la belladone, et je suis mieux, » dit Bess, en appuyant ses mains glacées sur son front brûlant et essayant de paraître calme. « Si mère était seulement ici !» soupira Joe en saisissant le livre. Elle sentit mieux encore alors quelle distance les séparait de Washington. Combien était cruel cet éloignement de la mer. Elle lut une page, regarda Bess, lui tâta la tête, voulut voir dans sa gorge et dit gravement « Vous avez tenu le bébé tous les jours pendant plus d'une semaine et vous avez été avec les autres qui vont avoir la fièvre. J'ai peur que vous ne l'ayez, Bess. Je vais appeler Anna, qui connaît toutes les maladies. Ne laissez pas venir Amy, elle ne l'a jamais eue, et je serais trop malheureuse de la lui donner. Est-ce que vous ou Meg ne pourriez pas la voir de nouveau ? Demanda anxieusement Bess. Je suppose que non, mais qu'importe. Ce sera bien fait si je l'avais, grand égoïste que je suis, de vous avoir laissé visiter les Hummel et d'être restée ici à écrire des bêtises, murmura Joe en allant consulter Anna. La bonne âme fut éveillée en une minute et assura immédiatement à Joe qu'il était inutile de s'inquiéter, que tout le monde avait la fièvre scarlatine et que personne n'en mourait quand on était bien soigné. Joe crut tout cela et alla, bien soulagé, appeler Meg. « Maintenant, je vais vous dire ce que nous allons faire, » dit Anna, lorsqu'elle eut examiné et questionné Bess. « Nous allons envoyer chercher le docteur Banks, rien que pour vous voir un peu, ma chère. » Puis nous enverrons Amy chez Tante March afin de l'empêcher d'attraper quelque chose. Et l'une de vous deux, Meg ou Joe, pourra rester à la maison pendant un jour ou deux pour amuser Bess. Je resterai naturellement, c'est moi l'aînée, dit Meg, qui était aussi mécontente d'elle-même que Joe. Non, ce sera moi, parce que c'est vraiment ma faute si elle est malade. J'avais dit à mère que je ferais ses commissions, et je ne les ai pas faites, répliqua Joe d'un ton décidé. J'ai seule à réparer. « Laquelle voulez-vous, Bess ? Une seule suffira, » dit Anna. « Joe, s'il vous plaît. » Et Bess appuya sa tête contre sa sœur d'un air content, tout en regardant tendrement Meg comme pour lui dire « Il ne faut pas m'en vouloir. »« Je vais aller dire tout cela à Amy, » dit Meg, qui était un peu blessée de la préférence de sa sœur, bien qu'elle se rendît compte qu'elle était peut-être moins propre que Joe à bien soigner la malade. Amy se révolta immédiatement et déclara avec colère qu'elle aimait mieux avoir la fièvre que d'aller voir la terrible tante. Meg demanda, raisonna et commanda en vain. Amy protesta qu'elle ne voulait pas y aller, et sa sœur la quitta en désespoir de cause pour aller demander à Anna ce qu'il fallait faire. Avant qu'elle fût revenue, Laurie, entrant dans le parloir, trouva Amy sanglotant sur le canapé. Elle raconta son histoire en s'attendant à être consolée, mais Laurie mit seulement ses mains dans ses poches et se promena de long en large en fronçant les sourcils comme s'il était plongé dans des pensées profondes. Il finit par s'asseoir à côté d'elle et lui dire de son ton le plus persuasif « Soyez une bonne petite femme et faites ce qu'on vous dit. Ne pleurez pas, écoutez plutôt la jolie idée que j'ai. Vous irez chez Tante Marche et je viendrai vous chercher tous les jours pour nous promener et nous amuser ensemble. Ne sera-ce pas plus agréable que de rester ici à vous ennuyer sans pouvoir y être utile ? Je ne veux pas qu'on me renvoie comme si je gênais, commença Amy d'un ton offensé. Dieu vous bénisse, ma mignonne. C'est pour vous empêcher d'être malade et non pour aucune autre raison. Vous ne désirez pas avoir la fièvre, n'est-ce pas ? Non, certainement. Si cela ne devait pas soulager Bess. Mais je suis sûre que je l'aurai. J'ai été tout le temps avec Bess. C'est pour cela qu'il faut vous en aller tout de suite. Le changement d'air et quelques soins vous empêcheront de l'avoir, ou du moins vous la feront avoir très légèrement. Je vous conseille de partir le plus vite possible. La fièvre scarlatine n'est pas rien, miss. Mais c'est si triste, chez Tante March, dit Amy d'un air effrayé. Et puis, je serai sans nouvelles de Bess. Ce ne sera pas triste avec moi, qui viendrai vous dire tous les jours comment sera Bess, et vous emmènerai vous amuser. La vieille dame m'aime assez, et je serai aussi aimable que possible pour elle. Ainsi, quoi que nous fassions, elle ne dira rien. Vous viendrez tous les jours ? Je vous le promets. Et vous viendrez me dire quand Bess sera mieux ? Aussitôt que je le saurai. Et nous irons vraiment au théâtre des enfants ? À une douzaine de théâtres, si nous pouvons. Eh bien... « Je crois que je veux bien, » dit lentement Amy. « À la bonne heure, je retrouve ma bonne petite amie. Allez vite dire à Meg que vous consentez, » dit Laurie en donnant à Amy une petite tape d'approbation qui choqua un peu Amy. Ce n'était pas à la traiter en grande personne. Meg et Joe arrivèrent en courant pour contempler le miracle qui venait de s'accomplir et Amy, se voyant très précieuse et très sacrifiée, promit d'aller chez la tante si le médecin disait que Bess allait être malade. « Comment va la petite chérie ?» demanda Laurie, car Bess était sa favorite, et il était plus inquiet qu'il ne voulait le laisser voir. « Elle est couchée sur le lit de mère et se trouve mieux. La mort du bébé, vue de si près, l'a troublée, mais j'espère qu'elle n'aura qu'un rhume. Anna le dit, mais elle a l'air inquiète, et je suis toute bouleversée, » répondit Meg. « La vie est une triste chose, » s'écria Joe en hérissant ses cheveux et en y fourrant les mains d'un air de désespoir. « À peine est-on sorti d'un malheur qu'il en arrive un autre. On dirait qu'on ne peut plus s'appuyer sur personne depuis que mère est partie. »« Ne vous donnez pas l'air d'un hérisson, cela ne vous va pas bien. Rarrangez votre perruque, ma chère Joe, et dites-moi si je dois envoyer une dépêche à votre mère ou faire quelque chose qui puisse vous agréer. » dit Laurie, qui n'avait jamais été tout à fait réconciliée avec la perte de la seule beauté de son amie. « C'est ce qui me trouble, » répondit Meg. « Je pense que nous devons écrire à maman si Bess est réellement malade. Mais Anna dit que non, car maman ne peut pas quitter papa et cela ne ferait que l'inquiéter. Bess ne sera pas longtemps malade et Anna sait ce qu'elle doit faire pour elle. Mère a dit que nous devions lui obéir. « Mais je ne sais pas si, dans ce cas imprévu, nous aurons tort ou raison de le faire. « Si vous demandiez à grand-père quand le docteur sera venu. « C'est cela. Joe, allez tout de suite chercher le docteur, » commanda Meg. « Nous devons en effet rien décider avant sa visite. « Restez où vous êtes, Joe. C'est moi qui fais les commissions de cet établissement, » dit Laurie en prenant son chapeau. « Je crains que vous ne soyez occupé, » commença Meg. « Non, j'ai fini mes leçons d'aujourd'hui. » « Vous travaillez donc pendant vos vacances ?» demanda Joe. « Je suis le bon exemple que mes voisines m'ont donné, » répondit Laurie en sortant vivement de la chambre. « J'ai de grandes espérances pour ce garçon, » dit Joe en le regardant passer par-dessus la haie. « Il est assez bien pour un garçon, » répondit assez dédaigneusement Meg. Le docteur Banks vint et quoiqu'il parût très grave en entendant l'histoire des Hummel, il dit que Bess avait les premiers symptômes de la fièvre, mais qu'il pensait qu'elle l'aurait très légère. Néanmoins, il fut d'avis d'éloigner Amy, à qui il intima l'ordre de s'en aller immédiatement. Elle partit en grande pompe, avec Laurie et Joe comme escorte. La tante March les reçut avec son hospitalité habituelle. « Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? » demanda-t-elle en regardant par-dessus ses lunettes, pendant que le perroquet croassait « Allez-vous-en, les petits garçons n'entrent pas ici !» Laurie se retira vers la fenêtre et Joe dit son histoire. « C'est bien à quoi je m'attendais, puisqu'on vous permet de vous mêler aux pauvres. Amy peut rester ici et se rendre utile si elle n'est pas malade, mais je ne doute nullement qu'elle le soit, elle a déjà l'air de l'être. Ne pleurez pas, enfant, cela m'ennuie d'entendre les gens se moucher. » Amy était sur le point de sangloter, mais Laurie, ayant sournoisement tiré la queue du perroquet, Polly proféra, ou plutôt cria d'un air si drôle, « As-tu déjeuné ?» qu'elle rit au lieu de pleurer. « Quelles sont les nouvelles de votre mère ?» demanda la vieille dame. « Papa est beaucoup mieux, » répondit Joe, en faisant tous ses efforts pour garder son sérieux. « Ah, je suppose que sa maladie ne durera pas longtemps. Cependant, mon beau-frère n'a jamais eu beaucoup de force. » Telle fut la réponse réjouissante de la vieille dame qui ne pouvait jamais retenir une parole fâcheuse. « Prenez une prise !» cria Polly en se dandinant sur son perchoir, et le bonnet de tante March, se trouvant justement à sa portée, il l'attrapa fort adroitement pour se venger de ce que Laurie venait encore de lui tirer la queue à la dérobée. « Taisez-vous, vieil oiseau impoli !» dit la vieille dame exaspérée, et se tournant vers Joe, « Partez tout de suite !» lui dit-elle. « Il n'est pas convenable que vous vous promeniez aussi tard avec un écervelé comme… »« Taisez-vous !» s'écria Polly. Et, se laissant tomber par terre, il courut s'escrimer du bec contre les mollets de l'écervelé Laurie. Laurie se sentait une envie de rire insurmontable. Joe et lui disparurent. « Je ne pense pas que je pourrais supporter cela, mais j'essaierai, » pensa Amy quand elle se trouva seule avec tante March. Polly la regardait avec ses gros yeux ronds. « Allez-vous-en » lui cria-t-il tout à coup. À ces paroles malhonnêtes qui allaient directement à son adresse, Amy ne put s'empêcher de pleurer. « Ne vous occupez pas de ce bavard, » lui dit d'un ton bourru tante March. « Il dit des horreurs à la journée. C'est un homme qui a fait son éducation. » Fin de la section 17.